ciel se sont donné rendez-vous pour faire un monde irréel du lavandou. Et sur la plage dorée, le sable s'est fait plus doux, le ciel s'endort sur la mer, joue contre joue. Que m'importe un si beau soir éclatant de mille feux, si je ne peux pas le voir dans vos yeux. Que m'importe si le vent murmure des mots très doux, si mon cœur ne les attend que de vous. Oh, ce soir, la mer et le ciel s'étaient donné rendez-vous pour faire un monde irréel rien que pour nous. S'était donné rendez-vous pour faire un monde irréel du lavandou. Mais sur le sable mouillé, avec un dernier remous, frissonne et meurt, effacer mes rêves fous.